Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Au bord des corps. Salut les auditeurices. J'entame aujourd'hui une nouvelle série de podcasts avec vous sur le thème de la psychophobie et des questions qui se posent dans le cadre militant. Des relations sociales entre groupes de pairs, PAIRS. En partant de réflexions autour de mon expérience, pour monter en généralité et me confronter à d'autres vécus et d'autres réflexions sur le sujet. Épisode 1, prendre soin de soi et militer, un antagonisme. Partage d'expériences neuroatypiques. Prendre soin de soi, sans s'écarter des déconstructions nécessaires que l'on doit entamer vis-à-vis de soi, et du care, c'est-à-dire le soin en anglais, et l'attention que l'on témoigne aux autres. Difficile de trouver la limite entre s'écouter soi et prendre en compte les besoins des autres. Nous intégrons très jeunes l'idée que certaines choses méritent qu'on pousse nos corps, notre mental, nos énergies à l'extrême, qu'on se sacrifie presque pour elles. Tout repos vise essentiellement à reconstituer des forces pour poursuivre ce même effort sur le temps le plus long possible. L'appel à l'effort, qui put auparavant être sollicité pour la patrie dans des contextes de guerre et de construction des États modernes, est au temps du néolibéralisme sollicité par la valeur « travail », et dans certains cas, la famille, essentiellement nucléaire, héritage du capitalisme industriel et des valeurs judéo-chrétiennes. En dehors de ces vagues entités au sein desquelles il est encouragé de se fondre, l'idée du soi en tant qu'individu tend à primer dans tout autre type de relation, notamment celle qu'on qualifie d'amicale. À côté de ce modèle, on est quand même énormément à garder des capacités d'empathie importantes. Sur cet aspect, les minorités se retrouvent au premier plan, fortement socialisées, et parfois contraintes, à faire un taf presque invisible de prise en charge des soucis des autres, de travail émotionnel et autres. Lorsqu'on est habitué à, en plus, voir sa parole davantage discréditée, invisibilisée et qu'on grandit en apprenant à devoir craindre pour se préserver, cette sursensibilité a vite fait de se convertir en forme d'hypervigilance. Dans mon expérience, qui reste celle d'une personne tout de même bien privilégiée, n'ayant jamais subi de racisme et très peu de classisme, cette hypersensibilité et cette hypervigilance me donnent la sensation que mon corps a des frontières extrêmement poreuses. Les émotions des autres prennent rapidement la place de mes propres émotions et s'y confondent. Aussi loin que je me souvienne, il m'a toujours été particulièrement difficile d'identifier mes véritables souhaits, mes véritables besoins. En termes de charge exacerbée, je ne peux pas parler de charge raciale étant une personne blanche, mais je sais que mes proches autour de moi, qui elles sont racisées, ont déjà témoigné d'une surcharge de ce point de vue-là, de par cette minorité-là, fait qu'elles prennent encore plus en compte aussi les émotions des autres personnes, et notamment des personnes blanches, et ont été davantage amenées à délégitimer leur propre vécu, leur propre ressenti, et à les faire passer au second plan. Parler d'ormes racistes, systémiques et quotidiennes. J'ai surinvesti les parties de mon corps me permettant de capter le plus de signaux extérieurs, tels que l'ouïe ou la vue. A l'inverse, ce qui est à l'intérieur de moi est un vaste inconnu que je peine à identifier, notamment au niveau du ventre, qu'un quotidien de stress bloque en permanence. La plupart de mes TCA, troubles du comportement alimentaire, viennent de là. J'ai du mal à interagir autrement que mentalement avec le monde extérieur. Après des périodes de forte réclusion, comme ce fut le cas lors du premier confinement, j'ai même eu du mal à entrer en contact physique, ne serait-ce que par effleurement, avec d'autres personnes. Les premières étreintes en dehors de celles de ma mère m'ont submergée de larmes. Je ne pouvais pas me déplacer sans quelque chose dans les oreilles pour pouvoir rester flottante au-dessus de ma réalité. Comme à plusieurs autres moments de ma vie, selon les événements, mon intérieur se bloque, se verrouille, fait le gros dos face aux surstimulations extérieures. Un fanzine que je vais beaucoup citer résonne très justement avec mon expérience. Il s'agit d'Étrangère à soi, une critique du self-care. L'autrice explique qu'après avoir grandi dans un contexte de violence, il lui est difficile de concevoir le care en dehors d'emprises violentes. Je n'accuse pas mes parents des mêmes actes. Même si des violences intrafamiliales étaient bien présentes et que surtout le climat anxiogène dans lequel j'ai grandi au quotidien, que ce soit au sein de ma maison, à l'école ou dans les soi-disant espaces de loisirs, a sans aucun doute exacerbé mes états d'alerte. mais surtout mon hypersensibilité à tout ce qui se passait et l'idéologie méritocratique presque sacrificielle que j'ai intégrée ont ancré un rapport à la détente, au bien-être, comme uniquement autorisable suite à une souffrance ou un effort particulièrement intense au préalable. Comme l'explique l'autrice de ce fanzine, nous avons déjà pour beaucoup une tendance, on pourrait dire des sortes de processus neurologiques, qui nous pousse à rechercher une certaine tension, qui prend des formes très différentes selon chacun une, que l'on peut ensuite libérer, diffusant des hormones qui nous apaisent. Ce processus est exacerbé, détourné et largement fucked-upé par les surstimulations capitalistes. Dans mon cas, ce besoin d'activité, de tension est extrêmement présent. Et j'ai été bien éduquée au principe de récompense. Toute ma vie, j'ai appris à toujours et toujours davantage reculer ce moment de libération, à toujours encore et encore plus puiser dans les réserves si je voulais enfin me sentir légitime de faire ou vivre quelque chose dont je ressentais l'envie. Ça a été le cas pour les substances, la nourriture, l'amitié, l'amour. Je sais que ce mécanisme est tellement ancré en moi que la seule manière de m'autoriser quelque chose est souvent de pouvoir le retourner en une chose capable d'aller au-delà de mon plaisir individuel. Que ce qui me fait envie ou me fasse du bien ne me semble déjà pas enlever quoi que ce soit à quelqu'un et une d'autre, voire maximise carrément le bien de quelqu'un d'autre. L'autrice de ce fanzine faisait le même constat, à savoir que les seuls self-care qu'elle s'octroyait étaient ceux qui lui permettaient de pouvoir ensuite mieux se réengager dans le care des autres. Tout comme moi, la difficulté à concevoir du soin pour soi, et strictement soi, n'est tellement pas dans la matrice de pensée de cette personne qu'elle explique que la plupart des choses que les personnes mettent sous l'appellation de self-care, le A renvoie finalement pour sa part à un isolement. Citation. Faire du yoga ou de la course, écrire des critiques élogieuses de livres sur l'acceptation de soi, canaliser mes émotions dans des projets artistiques élaborés ou sur un blog auto-révélateur. Tout cela peut sembler courageux ou même éclairé. Pourtant, je ressens cette forme de self-care moins comme une libération et plus comme si j'étais en isolement cellulaire, pour reprendre l'expression carcérale. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi pendant le premier confinement, et la raison pour laquelle, suite à cette expérience, rien ne me faisait plus peur que de me retrouver de nouveau seule avec moi-même dans un autre confinement. Dans un autre passage du fanzine, l'autrice déclare « Je crois à l'autorégulation émotionnelle. Nous avons besoin de ces compétences pour gérer nos agitations, sans avoir recours à l'agression, pour poursuivre l'aventure, le travail et le mystère de façon autonome et avec joie. Cela ne veut pas dire que nous devons ou devrions réguler ces émotions dans la solitude. » Je partage ce point de vue. Je changerai simplement le terme de solitude par celui d'isolement, car pour moi la solitude renvoie à des moments de recentrage, peut-être les seuls où je me sens réellement être moi-même. En effet, à côté des caractéristiques neuroatypiques que j'ai commencé à mentionner, je vis aussi la vie sociale comme une gigantesque performance sociale inarrêtable. Comme je le détaillerai lors de ces épisodes, j'ai développé un certain nombre de capacités d'adaptation et de résilience en la matière. Normalement, il arrive des seuils où mon énergie arrive à saturation et baisse radicalement. Depuis 3 ans, j'atteins ces seuils de plus en plus tôt. Or, comme je n'ai pas du tout appris à anticiper et à conscientiser que non, cette énergie n'était pas infinie, et que j'arrive très peu à verbaliser mes modes de fonctionnement, mes difficultés et mes besoins spécifiques, la seule manière de me préserver est alors de me retirer dans une bulle où personne ne me voit, car j'ai aussi encore du mal avec le regard social sur mes chutes d'énergie et mon soudain mutisme. Seule avec moi-même, afin que le flot du monde arrête de s'immiscer dans les pores de ma peau, à s'approprier mes sensations. Cette solitude, je l'aime. Mais je redoute qu'elle se transforme en isolement. J'ai peur qu'à force de perdre l'habitude de quand même un peu me confronter aux aléas et personnes extérieures, je sois ensuite de nouveau complètement incapable d'interagir, et qu'il n'y ait plus que 2 options extrêmes, à savoir la surperformance exténuante ou bien l'isolement total. Pour l'instant, j'essaie d'équilibrer tout ça en tentant de prioriser les interactions avec d'autres groupes minorisés et avec mes proches, en limitant celles avec le reste du monde au strictement nécessaire, courses, pharmacies, administratives, etc. J'ai notamment dû me rendre à l'évidence que bosser dans une équipe de travail était désormais hors de mes capacités cognitives. Bref, pour en revenir à mon fonctionnement plus physique. Dans mes crises corporelles les plus intenses, je déteste mon corps, mais pas au sens de son apparence, plutôt au sens d'avoir un corps. Je déteste toute sensation, toute matérialité. Cela va parfois si loin que j'en viens à souhaiter m'en détacher, et l'idée de mort me semble dans ces cas réconfortante. Au bout d'un an après le premier confinement, quelques-uns des verrous ont fini par sauter, en grande partie grâce à mes cercles d'adelphes militants, qui m'ont entouré d'assez d'amour et de sécurité pour que je puisse peu à peu laisser s'opérer de nouvelles communications entre intérieur et extérieur. J'ai retrouvé les bons vieux flux d'empathie avec tout ce qui m'entoure. Sauf que lorsque les vannes s'ouvrent, je ne sais pas forcément les contrôler. De nouveau, cette porosité fait fondre mes limites physiques et émotionnelles qui ne se rematérialisent que trop tard, quand je suis trop épuisée, que je me suis trop niée et que le petit noyau d'éclos enfoui sous les couches d'émotions et de préoccupations des autres finit par imploser. Je sais qu'il est là, ce petit noyau. Je sais qu'il existe. J'ai pu le retrouver dans tout un tas de moments extrêmes, dans des moments de solitude vitaux. Il est le leitmotiv, la continuité des choses que je vis et que je projette. Je ne dis pas que je n'ai aucune idée de mon moi, je dis juste qu'il n'habite pas toutes les parties de mon corps et que cela me provoque beaucoup de dissonance. Mais j'ai appris à fonctionner comme ça. Je me suis accrochée à un moteur interne, une impulsion de mouvement perpétuel pour surpasser l'absurdité et l'angoisse extrême que me procure le fait de vivre simplement dans un corps et l'incapacité à en conceptualiser ses limites. Me projeter au-delà, dans le mental ou dans l'hyperactivité, me permet de surfer au-dessus de cette angoisse. Cette capacité à m'extraire de moi-même m'a permis de tenir dans beaucoup de situations, de harcèlement, de stress, de pression et même de douleurs physiques. Je grimpais jusqu'à la petite fenêtre de ma tête et je m'évadais. C'est pourquoi me dire de me poser, de me relaxer, de respirer, n'est pas franchement utile. Ce ne sont pour moi que des éboulis d'angoisse, cherchant à m'assigner et m'immobiliser dans mon corps. On en revient à ce besoin de tension, que poussent à l'extrême les modes de vie capitalistes dans lesquels nous évoluons. Une fois de plus, le fanzine étranger à soi m'a permis de mettre mon expérience en perspective avec un contexte plus global. Il souligne en effet l'énorme dissonance entre les injonctions au calme et à l'apaisement, alors que nous sommes poussés à être en état d'alerte permanent. Déjà en tant que mammifères, et encore plus avec nos socialisations humaines et nos environnements hyper enfermants, bétonnés, violents, ultra rapides, saturés d'informations, bref, hyper anxiogènes. Notre système nerveux recherche le rythme, des vagues de curiosité et d'intérêt suivies de moments de satisfaction, un état de vigilance suivi d'une période d'apaisement, établir des liens avec les autres sur la base d'expériences sensorielles et émotionnelles communes. Privés de ces rythmes, notre cerveau et notre système nerveux entrent dans divers états de dysfonctionnement, hypervigilance ou arrêt complet, shutdown, dépression ou rage. Et justement, conditionnés par des rythmes totalement contradictoires et pas du tout en accord avec ce qui aurait pu être mon épanouissement autonome, comme je suis complètement paumée dans l'analyse de ce qui devrait être nécessaire au fonctionnement physique de ce corps, si j'en trouve la porte au discours extérieur, aux pubs, aux recommandations sociales, culturelles en tout genre, type sport, alimentation, développement personnel et compagnie, tout rentre et vient polluer mon esprit, m'encombrer, s'agiter de partout, pulluler, imposer leurs codes, leurs formes. Les injonctions s'ancrent en moi et je me sens juste obligée de suivre des marches à suivre qui ne sont pas celles que j'ai souhaitées et qui ne suffiront jamais à m'apaiser, car elles sont infinies et se contredisent sans arrêt. Fais du sport, repose-toi, mange, maigris, sors, fais bois pas, passe du bon temps, passe pas trop de temps derrière les écrans, mais travaille. Comme le dit l'autrice. En essayant d'y échapper, les gens s'empêtrent dans des dépendances qui imitent la satisfaction de leurs besoins et de leurs instincts. Achats compulsifs pour notre instinct de faire des provisions, pornographie sur internet pour notre libido, drogue pour les états extatiques. Les systèmes dans lesquels nous vivons tout à la fois fournissent et condamnent ces plaisirs, mais aucun de ces substituts ne crée les mêmes effets physiologiques que les occupations et les états naturels qu'ils imitent. Le cerveau et le corps, ainsi niés, se retrouvent coincés dans une spirale paralysante ou surmenante. Truc vorace, suite de sang qui te laisse des puces. Te ronge la carapace, le truc te prend l'encéphalus, ça fout la frousse. Et sur YouTube, verrez le pouce. Ça provoque des secousses, y'a le bouton replay qui trépasse. Subvirus, boule d'acide, ravage à la région nord. Toujours pas d'antidote, tu ne fabriques plus d'anticorps, c'est hypnotique, pas ton pote. Couleur verte et boule d'azote, c'est pas le sang qui est plaisante, le plus méchant des parasites. Attention, subvirus. Enlève-moi ce truc de la cervelle. Subvirus, mine ton cerveau de ta carapace. Attention, subvirus. Comment je peux m'en débarrasser? Mec, c'est la poisse, c'est foutu, t'as les symptômes des subvirus. Toutes ces normes imprègnent et squattent nos cerveaux, et en tant que personne particulièrement perméable aux choses extérieures, à mon petit corps individuel, tout ça entre en raz-de-marée, me trouble de TOC, c'est-à-dire de troubles obsessionnels compulsifs. Je deviens en proie à des séries d'obsessions, de routines et de rentabilisation de tout, du temps, de mon énergie. Je deviens obsédée par l'idée d'une précarité imminente, et donc le contrôle de mon argent, obsédée par le travail au point de le faire passer avant n'importe quoi d'autre, même mes fonctions vitales. Obsédée par l'exercice physique, obsédée par la variation de l'alimentation. Mes propres déconstructions m'ont poussée aussi vers un ascétisme éthique que je ne regrette pas pour sa structure, qui est toujours la mienne aujourd'hui, mais qui m'a créé de nombreuses violences internes, de moi-même à moi-même. Équilibre de toutes les pratiques que je pouvais avoir, artistiques y compris. Équilibre de l'alimentation, équilibre de tout, renonciation au plus de choses possibles. Dans Étrangère à soi, l'autrice approfondit la question de l'ambivalence de la notion de self-care comme terrain propice à ce genre de comportement obsessionnel. En plus d'inviter à repenser le care, l'autrice rappelle notamment la manière dont le self-care est instrumentalisé par le pouvoir pour n'être que le moment de repos, le court retrait de réparation des forces, pour mieux redevenir productrice de produits, de services ou de soins. La santé est donc devenue elle-même un enjeu de productivité, pouvant aller jusqu'à susciter un rapport obsessionnel. Même en prenant conscience de ça, il est difficile d'en sortir, car nous n'avons pas pu apprendre à trouver nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Nous avons été plongés directement dans un monde qui nous dit ce qui est bon et souhaitable, ce qui renvoie à la notion de biopouvoir de Michel Foucault. Le pouvoir sur nos corps, s'exerçant sur nos corps mais directement intériorisé par ces derniers. Précision. Un proche, pendant que j'écrivais ces podcasts, m'a fait remarquer, chose que j'ignorais, qui m'était passée sous le nez, que Foucault a été accusé d'agression pédocriminelle sur des enfants, notamment en Tunisie. Donc voilà, j'utilise encore ces concepts pour ce qu'ils apportent d'un point de vue science politique, mais je pense que tout est aussi à remettre en perspective de ce personnage-là, qui est totalement condamnable. En dernière date, j'ai cru qu'avec le militantisme, j'avais trouvé ma manière d'exister. Je pouvais mettre ce corps avec son cerveau bien entraîné au service du renversement de toutes ces fictions violentes, débiles et dangereuses dans lesquelles on nous enferme. Contre ces dogmes merdiques, qui me violentent et m'entravent, et ceux qui violentent et entravent mes proches et l'ensemble des minorités. Les lectures d'Audrey Lorde et Dorothy Allison m'ont poussée à véritablement chercher à sortir de mes privilèges. La plupart d'entre eux ne servant plus à grand-chose en dehors des aspirations à concrétiser une certaine vie matérielle et normée. Un temps, tout cela suffisait pour me maintenir. Cela a d'autant mieux fonctionné que je me retrouvais enfin entourée d'autres personnes avec des parcours eux aussi chaotiques et des projections similaires, sortant des sentiers battus, contestant par leur existence les normes en place. Ce nouvel entourage ne sera pas celui qui me reprochera mes coups de gueule de révolte, qui ne me demandera pas d'être moins radical, qui ne fera pas passer ses taf et ses gosses systématiquement avant toutes les choses qui nous heurtent collectivement. Pendant un certain temps, ça semblait vraiment être le cas. Ça a vraiment suffi. Ça m'a redonné cœur à l'ouvrage de vivre. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas de crise. Le militantisme en soi est une claque de tous les jours. Mais au moins quelque chose semblait collectivement porter et résonner en cohérence. Et puis j'ai vu que beaucoup, la plupart, se fatiguaient. Et je sais à quel point tout le monde ne peut aspirer et se permettre de sortir d'autant de carcans dont j'ai essayé de m'émanciper, que ce soit sur le plan professionnel, familial, amical ou autre. On connaît les mécanismes, les instrumentalisations, les pressions, les bases de confort, de sécurité, les filets en tout genre. Surtout pour des personnes partant de positions encore plus privilégiées ou insécurisantes que les miennes. Je sais, je vois tout ce qu'elles endurent, et après tout, le but premier de toutes ces luttes, c'est bien la tranquillité de pouvoir vivre sa vie. Moi aussi, j'ai redécouvert, notamment auprès d'Eleu, d'autres manières d'apprécier des moments de vie, des instants de simple soleil, de rire, de discussions relationnelles ou autres. Ils sont fondamentaux. Je ne peux simplement pas m'en contenter sur une longue durée. Je ne peux pas totalement couper mon état de vigilance et cet élan critique sur lequel je me suis construite, en tout premier mécanisme de survie et de projection de qui je devais être, pour accepter l'idée d'être au monde. Tous ces moments de partage, de convivialité ou de contemplation, qui ne sont pas strictement pensés en termes militants et résistants, j'en ai besoin, et je les apprécie énormément. Mais j'ai par contre absolument besoin de pouvoir faire des allers-retours constants entre ces espaces et mes réflexions et mes actions. Me mouvoir régulièrement de lieu en lieu, d'activités différentes, et ne pas me laisser réassigner à des postures de socialisation standard, où l'angoisse de l'absurde ressurgit, me hante, me pousse à chercher n'importe quelle démarche ou substance contenante, substituante. Or, je crois qu'autour de moi, mes proches ne mesurent pas à quel point, oui, cet engagement est l'accord principal qui me rattache à la vie, et à quel point, vraiment et sincèrement, cela se détache complètement de ce que je pourrais attendre d'eux en termes d'engagement. Car justement, avoir près de moi la preuve qu'il est possible de continuer à s'épanouir hors des engagements politiques me fait du bien. C'est un peu comme dans mes crises de TCA, où je ne peux vraiment plus ingérer quoi que ce soit. Le fait de simplement voir des gens en terrasse capables de manger et de boire des choses me rassure sur la capacité de mon corps qui, hypothétiquement, pourrait faire la même chose. Merci pour la beauté des poils, la fragilité des soupirs qui ne se pensent pas, ne se déconstruisent pas, pour rappeler que l'amour nous efforce de résistance. Certes, dans toutes ces disettes, ces empires, cette toile de violence à combattre, toutes ces mauvaises postures, ces mauvaises habitudes, pustules et pourritures qui nous poussent dans le cœur depuis la racine de nos premières heures, à coups de sales murmures, des versements acides de tout le monde sur ses propres brûlures. Mais l'amour peut être aussi sain et enceint d'une violence nécessaire, celle qui nous habite comme la fureur avec laquelle on habite ces espaces. Merci pour ces espaces où le rêve reste possible, même si les lieux d'émotions simples, de chagrin et d'émulation nous sont parfois trop éloignés, même si parfois nos propres corps n'arrivent pas à s'y ancrer. Merci de me permettre de garder foi en leur existence, quelque part, en leur matérialité, au-delà de mes frontières internes, de mes digues irréparables, des châteaux de mon cerveau qui me paraissent inassiégeables. Les générations passent, les mêmes questions restent. Néanmoins, de la même manière que je n'érige pas en généralité mon fonctionnement de besoin constant de passer au crible tout ce qui m'entoure, j'aimerais que les personnes autour de moi fassent de même et ne m'imposent pas leur vision de ce qui devrait être une vie plus saine, de ce que serait prendre soin de soi. J'enfonce les portes ouvertes parce que depuis ma perspective anarchiste, l'imposition de n'importe quelle norme n'est pas ok. Mais en partant de mon exemple, qui peut sembler un peu à la marge et presque insignifiant, j'entends prolonger le débat et les prises de conscience sur l'ensemble des normes propres à ce qui devrait être un « fonctionnement sain » entre guillemets, du corps et de l'esprit, même celles qui a priori semblent être les plus inoffensives. Fidèle à ma manière d'appréhender les choses passant d'abord par le croisement intellectuel d'informations, chercher à analyser les différentes origines socio-historiques des notions de santé, de soins et même d'hygiène de vie. J'en ai déjà un peu parlé dans de précédents podcasts. Ces notions ont bien sûr évolué. Il y a eu le rationalisme cartésien de la Renaissance, séparant le corps et l'esprit, suivi de la période des dites Lumières, façonnant les différentes hiérarchisations raciales de genre de validité, et voyant le corps médical se constituer, fabriquer et monopoliser la légitimité du « entre guillemets » pour savoir médical. Il y a eu les mesures hygiénistes, accompagnant l'urbanisation de l'ère industrielle au XIXe siècle, les chamboulements dus aux deux guerres mondiales, le changement en France d'attribution des responsabilités en termes de santé, passant d'un état-providence qui gérait tout, à celle d'une mutualisation des responsabilités citoyennes, c'est-à-dire qu'on les partage, en seconde moitié du XXe siècle. Bien sûr, il y a eu aussi les révolutions technologiques et informatiques, permettant la confection de toujours plus d'appareils, qui vont venir resserrer l'observation de nos corps et permettre à un pouvoir de plus en plus diffus de décider quel mot MAUX il souhaitait empêcher. Dans Némésis d'Ivan Illich, l'auteur documente l'accaparement du discours sur la santé par l'institution médicale et le passage à un soin des symptômes, d'abord, à une idéologie de fabrication d'un homme nouveau, capable de passer entre les mailles de la souffrance et de la mortalité. L'idéologie occidentale de la santé s'est étendue au reste du monde, notamment grâce aux positions de pouvoir des États occidentaux et de leur médecine au sein des organisations internationales. Ils se sont ainsi mis à répandre leur modèle auprès des autres pays et des autres peuples. Bien sûr, ce processus rencontre encore aujourd'hui de nombreuses résistances. Le modèle de vie capitaliste s'est plus d'une fois confronté à d'autres visions de la vie, de la maladie et de la mort, tels que le modèle du buen vivir de nombreuses nationalités indigènes d'Amérique du Sud. Le capitalisme a aussi pu s'actualiser en récupérant d'importantes parties des autres modes de vie. Ce processus de domination occidentale tend à invisibiliser à quel point le terme de santé n'est pas univoque, partout, ni d'une époque à l'autre. Plus la vie politique s'est conçue et entendue autour d'États modernes, plus l'acte de nommer ce qui devait être ou non considéré comme problème de santé est devenu un enjeu pour de nombreuses entreprises naissantes, religieuses, capitalistes ou tout cela à la fois. C'est ainsi que des substances se trouvent, selon les endroits, considérées comme des drogues plus ou moins tolérées, alors qu'elles sont considérées ailleurs comme des remèdes ou encore des produits culturels. Ces projections se déclinant également différemment selon les groupes sociaux et leurs positions plus ou moins privilégiées ou minorisées. On assiste à des traitements inégalitaires selon les consommateuristes d'un même type de produit ou de produits induisant le même type d'effet. Par exemple, pour l'alcool, on voit bien des différences de jugement entre l'alcool considéré comme étant celui des pauvres et les bons crus des riches. De la même manière, certaines souffrances ont été jugées inacceptables et priorisées par les programmes de recherche, certains comportements ont été pathologisés et ou dépathologisés, criminalisés ou dépénalisés, au fil de l'évolution des contextes et des mouvements de personnes concernées. Les luttes politiques, les luttes de pouvoir et celles qui leur résistent ont leur part dans chacune de ces étapes. Rien n'est strictement scientifique. N'importe quelle recherche dite scientifique dépend d'un contexte, comporte des biais et des angles morts, est plus ou moins financée, interprétée par un groupe sociologique dominant, qui décide d'à partir quel pourcentage la marge d'erreur ne suffit pas à ce qu'on ne discute plus de la véracité de tel ou tel acte. Actuellement, il suffit qu'un phénomène se vérifie à 80% pour être considéré comme universel et pour que les erreurs, tant qu'elles rentrent dans cette marge de 20%, et quelles que soient leurs conséquences, soient acceptées. Karl Popper soulignait l'importance de la réfutabilité de n'importe quelle donnée scientifique. Bourdieu a analysé la fabrication et les biais des champs scientifiques en montrant comment ceux-ci évoluaient selon les paradigmes de base, c'est-à-dire des premiers pré-pensées ou grandes orientations politiques, morales, éthiques, prises au démarrage. Mais cette vision de la science comme éminemment faillible et devant être, en anglais on dit « accountable », c'est-à-dire transparente, vérifiable, prête à rendre des comptes, cette dimension se perd à mesure que l'institution médicale renforce son monopole de l'interprétation de nos corps, de nos santé, et devient le seul acteur écouté et auquel on peut recourir. Les modèles, les classifications sont de moins en moins remises en perspective vis-à-vis des modèles dominants sur lesquels ils ont été construits, c'est-à-dire à l'image des hommes cis-hétéro-blancs bourgeois, physiquement valides. Et les personnes ne correspondent donc pas aux cases préfabriquées, ne sont pas convenablement prises en charge. Je rappelle tout ça pour bien replacer mon expérience très résiduelle dans les dynamiques d'oppression globale propres à une société omnibulée par la chasse à la maladie, la douleur, la mort, la fabrication et le maintien d'individus productifs qu'on dépossède très tôt du savoir et des capacités d'autonomie sur leur corps et leur santé, à qui l'on distribue des bribes de responsabilité pour des petits bouts de bonheur ou des bien-être individuels et à qui on interdit de pouvoir remettre en question l'idéologie de la bonne santé. Comme moi, tout le monde s'en fout. Quand je serai plus là, est-ce qu'ils seront tristes ? Remplis mon verre jusqu'au bout, parce qu'il est à moitié vide, pessimiste, pas du tout. Aidez-moi, je me sens si seul. Laissez-moi, c'est mon droit d'être déprimé dans mon fauteuil. Or, la seule norme vraiment valable est certainement le fait qu'il n'y en ait pas. Et comme certainement peu de gens, voire personne ne se conforme à cette norme du sain et du valide, on s'est tous différemment, selon nos positions sociologiques et nos dispositions psychologiques, heurtés à un moment à des dissonances vis-à-vis des cases préfabriquées. De ce fait, j'invite tout le monde à pouvoir partager son expérience avec moi dans les podcasts qui suivent, en demandant simplement à ce que la parole de chacun une reste située vis-à-vis de l'ensemble des oppressions systémiques et la manière dont celles-ci ont pu orienter favorablement ou défavorablement leur expérience. Bien sûr, si dans nos sociétés actuellement dominées par la fervente croyance en la toute-puissance médicale, la plupart des normes de bien-être physique et psychique ont généralement quelque chose à voir avec la médecine, cela ne veut pas dire que la médecine est forcément le premier lieu où elles sont véhiculées et vécues ou subies par les personnes. Les normes infusent l'ensemble des pans de la société et se perpétuent tant qu'elles sont réactivées par les citoyens citoyennes. Les normes grossophobes, l'injonction au bonheur, à la sociabilisation, au sexe, aux relations amoureuses, au bien manger, à la productivité, au travail en général, au mythe de la bonne volonté, du développement personnel. Égare aux concernés qui entendent simplement rappeler que ça ne se passe pas simplement comme ça, qu'il y a plein de raisons diverses à leur apparence, à leur fonctionnement non conforme à la norme, que ce que les autres stigmatisent est en fait des stratégies de survie qu'elles ont trouvées face à des violences spécifiques. Gare à celles également qui disent simplement ne pas vouloir changer et demandent à ce qu'on leur foute la paix dans leur non-conformité au modèle dominant. Une telle rébellion scandalise. Refuser les stigmates et la marginalisation, c'est remettre en question la norme. Et on a tôt fait de les accuser de faire de la propagande ou l'apologie de leur fonctionnement à elle, au risque que ça entraîne d'autres dans leur voie. Comme si on posait comme évidence de base que nos libres arbitres et nos différentes accommodations ne pouvaient prendre hors de l'influence des autres. Et combien même. Et quand bien même d'autres nous suivaient dans ces voies, non seulement marginales, mais aussi dites malsaines. D'où elle vient cette peur qu'on abandonne le projet d'être heureux, de ne pas forcément vivre, ou moins longtemps, ou pas en pleine santé? Ça ferait chier qui, en fait, à part les élites capitalistes et fascistes qui vivent sur nos dos? Mais généralement, les personnes les plus stigmatisées et marginalisées n'ont pas bien l'occasion de pousser l'expression critique jusque-là. Leur simple existence discordante fait soit tâche, soit permet de consolider ou faire naître de nouvelles activités capitalistes. Avant tout pour convaincre les autres d'absolument éviter ces comportements. Les personnes grosses, addictes, psychiatrisées font rarement l'apologie de leur expérience. Leur simple existence, et d'autant plus si elles demandent à ce qu'on les laisse tranquilles, dérange. Alexandre Baril a particulièrement travaillé sur le rapport social au suicide. Donc c'est un chercheur trans canadien qui a beaucoup bossé sur la transidentité, sur le lien avec, sur la santé en général et notamment dernièrement sur le suicide. Il parle d'oppression suicidiste. Les sociétés dans lesquelles nous évoluons ne donnent aucune place aux paroles des suicidaires. Le suicide est tantôt pathologisé, tantôt criminalisé et souvent absolument tabou, considéré comme un danger, une menace de contagion potentielle peut-être. Le pouvoir sur nos vies et nos corps est allé si loin que même le rapport le plus intime à soi, à sa vie, nous a été exproprié. On ne peut mourir autrement que si l'institution médicale le décide et le supervise. Et c'est elle d'ailleurs qui estime qui le peut et quelle mort est une véritable mort. Il est couramment répandu qu'aucun individu, entre guillemets psychologiquement sans haine et rationnel, ne pourrait vouloir mettre fin à ses jours. De la même manière, les raisons pouvant conduire ou non à nous rendre et nous dire mal, violentés, traumatisés, sont elles aussi classifiées, hiérarchisées, et certaines largement et absolument discréditées. La première fois que j'ai vu la vérité en face, ouais. J'ai dû comprendre le système qu'on mettait en place, okay. Nos cerveaux sont complexes et beaucoup de nos attaches, quoi. On les crée nous-mêmes avec ce qu'on montre et ce qu'on cache, okay. Est-ce que ma vie se résume à générer du cash? Non. Est-ce que je vais subir le produit de mon éducation? Est-ce que si je reçois de la violence, je la redistribue? Ou bien je consolide mon armure pour stopper la dégradation? Au sein de mon milieu militant, j'ai trouvé en un sens davantage d'acceptation sur ma manière d'être. Mais même là, d'autres normes se font. Et même là, je ne me sens pas de dire vraiment ce qui ne va pas, ou simplement que ça ne va pas. Même là, je sens qu'il peut être tout simplement bizarre de demander juste qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse gérer comme je le sens, comme j'en ai l'habitude, sans que je sente les émotions des autres, leur propre fragilité et leurs perpétuelles interrogations les assaillir de tous les côtés, se demandant si cela n'est pas dû à quelque chose qu'elles ont fait. Non, c'est pas toi, j'ai mes propres bagages, mes ressentis et angoisses, tu sais. C'est pas parce que t'es dans la même pièce que moi que c'est lié à toi, alors respire un coup et va prendre soin de toi aussi, de tes propres insécurités, tes angoisses, tes ressentis. Non, on dit pas ça. Sûrement la pression à la pureté militante n'y est pas pour rien. On baigne tellement dans l'hypervigilance des dynamiques d'oppression que cette même hypervigilance devient parfois oppressante. Ce que Bergman et Montgomery appellent le radicalisme dans leur livre « La joie militante ». En tout cas, de mon côté, je n'arrive donc pas à formuler que sans que ce soit la faute de personne, j'ai juste besoin qu'on me laisse un peu seule. Dans ces moments-là, j'ai la sensation que je perdrais trop d'énergie à dire ça, à devoir peut-être gérer les blessures affectives de l'autre derrière. Pourquoi on en arrive là, même entre personnes qui font de l'idée d'être safe leur objectif quotidien? Ben justement parce qu'on est encore dans l'idéologie du sain absolu, sain santé, sain safe, et que n'arrivons jamais à se dépêtrer entre ce pourquoi on porte des responsabilités, ce qui est systémique, ce qui n'est sûrement ni l'un ni l'autre, ou peut-être un peu des deux, on ne sait pas, mais bref, qui est là. On est tellement matrixé par l'idée de chasser le mal, la souffrance, partout, que juste voir quelqu'un une pas bien nous rend littéralement démunis, ou alors totalement hermétiques selon les contextes et les parcours, comme un truc dont on doit de toute façon se couper. On n'apprend pas, ça c'est sûr, à adapter notre rapport empathique aux besoins exprimés par chaque personne, en tout moment spécifique. Et quand les choses qui te font violence, les fameux « triggers », pour reprendre le vocabulaire militant, où tes angoisses sortent tes schémas les plus répandus, quand elles peuvent sortir à peu près n'importe quand et où, ou te renvoient à des trucs tellement intimes que tu ne peux pas les exprimer, ben putain, c'est crevant. Faut les détourner, leur donner d'autres appellations, qui seraient davantage acceptées, connues. Tu rebascules dans cette forme de détournement, d'employer un mot pour un autre, que tu mets souvent déjà en place avec les médecins, et que cette fois tu emploies avec tes potes militants. Tu continues de t'obliger à performer, et tu passes le temps que tu aurais aimé passer à gérer ta crise d'angoisse et ou à te prévenir contre les suivantes, à rassurer les autres. Ce qui est encore moins entendu, c'est que ce qui fait du bien à certains haines, c'est précisément ce qui me fout, moi, en angoisse. Typiquement, se retrouver coincé derrière un thé pendant un temps indéfini place Saint-Michel à Bordeaux, où je ne sais pas ce qui va se passer, de quoi on va parler, si je vais avoir besoin, vite substance pour me contenir, si, et si oui, je vais me sentir ok et pas juger d'en prendre, et si après je vais pas me culpabiliser, ou encore manger un truc alors que la bouffe est généralement mon trigger number one, ou bien justement aller dans un endroit où je ne sais pas si je pourrais me sentir de manger un truc, si personne ne mange rien, mais que d'un coup j'ai une crise d'hypoglycémie. Ou quand on me parle de pause militante à tour de bras alors que moi, le militantisme, j'aurais crevé, qu'on comprend pas que... Si c'est ce qui fait du bien à certains haines, moi c'est comme si tu me disais, fais une pause de l'oxygène que tu prends pour voir, et que voir la dissolution de mes groupes militants autour de moi, c'est pas juste une petite anecdote, quand j'ai dû couper les ponts avec tellement de mes cercles de proches, plus ou moins consciemment, plus ou moins volontairement. En bref, ce premier épisode souhaitait introduire cette série autour des neuroatypies, en contexte militant, en partant de l'exemple de mon rapport à mes troubles et mes neuroatypies, et la manière dont ils se sont concentrés autour du militantisme, comme le principal espace de self-care que je pouvais m'autoriser et qui fonctionnait. Cela me permet de relativiser les différents rapports au care, à la santé, au bien-être, comme très construits, contextuels et donc relatifs, variant d'une époque à l'autre, voire d'une personne à l'autre, aussi selon nos positions et nos évolutions, au gré des diverses dynamiques de pouvoir. Cela permet également de repolitiser l'idée du care comme intrinsèque au mouvement de révolte, à la colère saine, qui refuse l'état des choses et se trouve être force de libération cathartique autant que de possibles changements. L'anarchisme, avant d'être une pensée politique, a été pour moi un mode de vie de constant questionnement, de critique, de tous les dispositifs, des institutions et figures d'autorité et de normes dans lesquelles je voyais qu'on cherchait à nous enfermer, à nous canaliser, naturalisant les hiérarchies et les inégalités, pour nier nos libertés, nos capacités à nous émanciper et à nous lier les uns aux autres. Le militantisme et le care que je revendique sont deux faces de cette même vision du monde. Une conviction que nous devrions tous pouvoir nous autodéterminer et choisir nos vies dans le respect des libertés des autres et la prise en compte pour cela de nos différentes positions au sein des régimes d'oppression et de l'inégale répartition des ressources. Je ne parle donc pas d'anarchisme au sens d'un modèle à imposer à tout le monde, ni d'anarchisme individualiste. Je reviendrai dans d'autres podcasts sur mes visions politiques et je reviendrai également plus tard sur la question du besoin de radicalité. Qui cela dérange ? Les différentes oppressions et stigmates desquelles elles se trouvent au croisement. Toutes ces choses s'entrecroisent puisqu'elles font toutes partie de moi. Pour tout ça, ces podcasts sont l'un des outils, on pourrait dire des armes, que j'ai développés pour lutter contre ce que je perçois comme des régimes de pouvoir sur nos corps, nos psychés, nos vies. C'est un moyen d'expression. Écrire, parler, enregistrer mon témoignage, celui des autres voix minorisées autour de moi et les mettre en perspective par mes recherches et mes réflexions, tout cela s'inscrit dans un projet de résistance et, de ce fait, d'un choix d'existence. Et ce, après m'être réellement interrogé sur sa pertinence. Car c'est bien justement sur les silences de nos vécus que s'écrivent et se maintiennent les grandes histoires officielles qui servent les pouvoirs en place et leur violence. C'est aussi en nous inculquant la honte, le sentiment d'illégitimité, l'apologie d'une objectivité qui n'existe pas, que nous nous trouvons constamment dissociés, que s'entretient cette fiction de l'esprit qui serait complètement déracinée du corps. Au contraire, les courants philosophiques de la phénoménologie en Occident et beaucoup de pensées décoloniales ont rappelé l'importance de la parole située, ancrée. Je ne détiens pas de vérité, je dis seulement les miennes, et elles valent pour moi, et pour tous celles chez qui elles font écho. Dans l'épisode suivant, je reviendrai sur les termes de neuroatypie et de psychophobie, en me situant là-dedans et en amorçant une réflexion autour des difficultés à faire du commun, à converger, à s'adapter les uns une aux autres, quand nos fonctionnements, voire nos traumas, peuvent être si différents, voire incompatibles au premier abord. A très bientôt alors, dans Au bord des corps. Mais qu'est-ce que ma journée est bonne, me suis levé du bon pied. Oui, je vais le prendre mon pied, et je lèverai seulement pour la danse de la joie. C'est la danse de la joie. Le réveil est facile, le caca est parfait, même pas besoin que je l'essuie. Sentiment universel, dehors il fait soleil et dedans aussi. Comme une journée d'anniversaire, 0 à ses 35 ans, mon style est clinquant. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Au bord des corps.